Bonjour à toutes et à tous, c'est Radio Fadjet. Aujourd'hui, vous allez écouter les chroniques littéraires, une émission qui vous est proposée par Alicia, Maëva, Jade et moi-même, Jeanne. Donc, notre émission va porter sur des chroniques que nous allons vous faire partager, car le but est aujourd'hui de vous faire découvrir des livres que nous avons aimés, qui nous ont fait voyager pendant le confinement, et nous aimerions vous faire voyager aussi au travers d'ouvrages que nous allons vous proposer. Notre émission donc vous proposera des chroniques littéraires et vous emmènera aussi au cœur des librairies. Donc nous avons réalisé une interview avec des libraires nancéens qui vous expliquent comment ils ont vécu le confinement, comment on vit pendant cette période un peu spéciale de crise sanitaire quand on est libraire. Donc nous avons décidé de les interviewer et de vous faire part de leurs ressentis. Et ils vous conseilleront aussi eux-mêmes des ouvrages qui vous permettront de vous évader, ne serait-ce qu'une heure ou deux, le temps de ces longues périodes un peu spéciales et hors du commun. Alors, tout d'abord, un petit point sur l'actualité littéraire. On peut évoquer aujourd'hui d'abord le festival d'Angoulême qui s'est déroulé fin janvier et qui a décerné le 29 janvier donc de cette année le Fauve d'or du palmarès à l'accident de chasse de Landis Blair et David Carlson, des Américains, qui ont été publiés aux éditions Sonatine. On a également décerné le prix des lycéens au roman graphique Peau d'homme de Hubert et Zanzim qui a été publié aux éditions Glénat. Voilà pour ce qui concerne le festival d'Angoulême. On peut aussi retrouver dans l'actualité littéraire la remise d'autres prix, donc comme les prix Renaudot, Goncourt, Fémina, qui ont été remis récemment. On peut citer parmi eux le célèbre prix Goncourt, qui a été remporté cette année, en tout cas pour l'année 2020, par Hervé Le Tellier pour son roman L'Anomalie, aux éditions Gallimard, qui succède donc à Jean-Paul Dubois. Le prix Renaudot a été décerné pour le roman Histoire du fils de Marie-Hélène Lafon, des éditions Bûcher Chastel, et le prix Fémina a été décerné à Serge Joncourt pour Nature humaine des éditions Flammarion. Enfin, on peut citer le prix Médicis remis au roman Le cœur synthétique de Chloé Delhomme aux éditions du Seuil. On rappelle donc que les prix littéraires ont été décernés avec des dates très décalées en cette fin d'année 2020 afin de permettre aux libraires et aux librairies, dès leur réouverture, de pouvoir également vendre les ouvrages récompensés et de ne pas favoriser uniquement les plateformes internet de vente de littérature. Sinon, enfin, pour ce qui est plus récent de début d'année, les titres sortis récemment, donc Olivier Adam a publié un nouveau roman aux éditions Flammarion qui s'intitule « Tout peut s'oublier ». On retrouve aussi également Tar Benjelloun qui nous offre « Le miel et l'amertume » aux éditions Gallimard. Aux éditions Julliard, Philippe Besson y publie « Le dernier enfant » et enfin Yasmina Reza publie « Serge » aux éditions Flammarion. Made for us tonight. Cette courte pause musicale, on va rentrer enfin dans le vif du sujet. Donc on précise que l'émission s'appelle les découvertes des chroniques littéraires. Donc ça va être le moment pour nous de vous présenter nos coups de cœur littéraires du confinement. Et donc je vais pour ça commencer par laisser la parole à Maëva. Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter Le Pays des Autres de Leïla Slimani, qui est donc le premier roman d'une trilogie basée sur l'histoire familiale de son auteur, qui est donc Leïla Slimani, et qui raconte l'histoire de ses grands-parents. Il a été publié le 5 mars 2020 et relate l'installation de Mathilde, une jeune Alsacienne, sur les terres de son mari Amine au Maroc en 1947. Le récit met en avant leur installation difficile et les difficultés auxquelles Mathilde fait face du fait de sa nationalité d'origine, du coup française, le tout dans un climat colonial. Le livre est réparti en trois histoires qui s'entremêlent, celle de Mathilde, celle d'Amine et celle de leur fille Aïcha. Tous grandissent dans le pays des autres, que ce soit Mathilde, jeune immigrée alsacienne, ou Amine, marocain d'origine mais considéré comme un indigène par les colons, et Aïcha, l'enfant métisse rejeté par les deux cultures qui sont du coup présentes sur le territoire à cette époque. Ce livre expose avant tout un voyage tumultueux vers une nouvelle vie, un nouveau pays et les difficultés d'insertion que l'on peut rencontrer lorsqu'on est étranger. Ainsi, de par l'histoire de sa famille, Leïla Slimani fait écho à des thèmes d'actualité, avec les problèmes d'immigration que ses personnages rencontrent, et qui se fondent bien dans le contexte actuel que l'on peut rencontrer en Europe. Un demi-siècle plus tôt, cette histoire, empreinte de vérité plus qu'actuelle, nous expose la condition de migrants d'un point de vue inédit, de par leurs sacrifices, vexations, incompréhensions, manque d'argent, mais aussi solitude. Ce livre apporte une véritable réflexion sur l'identité, que l'auteur Leïla Slimani narre avec une fluidité remarquable, faisant de la narration elle-même une invitation au voyage qui nous transporte de l'autre côté de la Méditerranée, dans un autre temps, sur des sujets qui sont pourtant si proches de nous. Leïla Slimani a été prix Goncourt en 2016 pour son livre « Chansons douces » et a été la présidente de la 42e édition du livre sur la place de Nancy en 2020. Elle a été présente à de nombreuses rencontres pour présider le salon, mais aussi pour parler de son livre, Le Pays des Autres, que je vous invite à retrouver pour en savoir plus sur le site du Livre sur la Place de Nancy, dans la rubrique Actu et le Livre sur la Place en direct vidéo. Je vais maintenant laisser place à Alicia pour qu'elle vous parle, elle aussi, de son coup de cœur. Bonjour, je vais vous présenter du coup « Dans les forêts de Sibérie » de Sylvain Tesson, qui est un récit autobiographique de voyage publié le 1er septembre 2011 aux éditions Gallimard et qui a également reçu le prix Médicis Essai la même année, le 4 novembre 2011. C'est donc un récit de voyage que l'auteur a effectué dans les forêts sibériennes à 5 jours de marche du premier village pendant 6 mois, sur les bords du lac Baïkal dans une petite cabane. Nous suivrons son aventure à travers son récit dans lequel il fera de longues descriptions de ses journées. Il faut croire que la nature est une réelle source d'inspiration. Cet ouvrage nous rappelle que nous pouvons trouver le bonheur dans ce qui nous semble être le plus difficile à surmonter. C'est une ode à la nature qui prouve que pêcher son poisson, couper son bois et boire un verre de vodka avec un inconnu au milieu de la forêt peuvent devenir des moments extraordinaires et que le bonheur se trouve dans les choses simples de la vie. Dans un monde où tout nous est offert, il est parfois nécessaire de revenir à la case départ pour savoir qui nous sommes vraiment et de quoi nous sommes réellement capables. Je recommande ce livre entièrement. C'est une ode à la nature mais aussi à la liberté et à l'amour. L'amour de la forêt, l'amour de soi, l'amour de tout. Vous ne sortirez pas indemne de cette lecture, croyez-moi. Une envie soudaine de tout quitter ne vous lâchera pas pendant des années. Il est également intéressant de préciser que c'est un récit qui est également rattaché en fait à la réalisation d'un documentaire télévisé sur France 5, co-réalisé avec Florence Tran, qui a aussi fait l'objet d'une adaptation libre au cinéma dans un film homonyme réalisé par Safi Nebou en 2016. Et qu'en octobre 2019, est publiée une adaptation du récit en bande dessinée aux éditions Casterman, supervisée par l'auteur lui-même. Je vais finir ce coup de cœur littéraire en vous citant l'une des phrases que j'ai beaucoup aimée de son ouvrage qui dit que l'on dispose de tout ce qu'il faut lorsqu'on organise sa vie autour de l'idée de ne rien posséder. Vous écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. passons donc au petit moment interview. Donc, comme je vous l'avais dit, nous sommes donc allés en librairie, à la rencontre des libraires, pour avoir des informations sur leurs ressentis et leurs vécus pendant cette période un peu spéciale du confinement, du click and collect, du couvre-feu. Donc cette période un peu spéciale de la pandémie qui a donc affecté, on le sait évidemment, les petits commerces voisins et qui a surtout affecté énormément les librairies face notamment à l'achat en ligne qui forcément a été favorisé du fait du premier confinement qui avait fait fermer nos librairies préférées. À partir de ça, nous avons donc décidé qu'il était important de donner et de pouvoir leur laisser un temps de parole. En tout cas, nous allons relater avec notre voix à nous, leurs paroles à eux, qui nous ont donc expliqué leurs ressentis et leurs vécus. Alors, pour commencer, nous avons interviewé des libraires du rayon BD, manga et de littérature adolescente dans la librairie du Hall du Livre à Nancy. Donc, concernant tout d'abord le premier confinement, le Hall du Livre, qui est donc une véritable institution du livre nancéenne, avait pourtant réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10% moins élevé par rapport à la normale. Et ce chiffre a fini par observer tout de même une légère évolution pendant le deuxième confinement, puisque le deuxième confinement n'avait pas vu les librairies complètement fermées, en tout cas pas autant qu'au premier confinement où le click and collect avait eu beaucoup de mal à se mettre en place. Le deuxième confinement, on a pu, enfin en tout cas les librairies ont pu un petit peu mieux l'appréhender et le préparer. Donc pendant ce deuxième confinement, ça leur a permis de réaliser 20% de leur chiffre d'affaires habituel, en sachant qu'en plus c'est vraiment tombé sur les périodes d'avant Noël, donc une préparation qui est quand même très importante, une période qui est très très très très importante pour eux. On va quand même souligner que ce chiffre d'affaires varie selon le rayon et le secteur qu'on vise en librairie. Donc en tout cas pour les libraires interrogés, eux ont constaté le fait que ne pas pouvoir de fournir de conseils clients, de pouvoir apporter des coups de cœur sur les tables des présentations, donc en librairie physiquement, ont réduit considérablement les achats de leur clientèle sur des séries classiques ou des romans et des BD qui étaient déjà connus. On attendait une suite et en fait les ventes se sont beaucoup réduites par rapport à ça. Donc par exemple sur des séries comme Blake et Mortimer ou Astérix. Ça a vraiment été impactant, notamment aussi le fait que dans ce rayon, en tout cas BD, manga et littérature adolescente, les libraires ont beaucoup, beaucoup de l'habitude. Ils ont un stand en fait réservé à ça, une étale réservée à leur coup de cœur qu'ils présentent à leur clientèle. Et en fait, leur clientèle s'est habituée à ce rythme de présentation de coup de cœur toutes les semaines, toutes les deux semaines, ça change. Et en fait, leur clientèle s'était vraiment habituée à ça. Et le fait de ne plus pouvoir venir en physique et ne plus avoir ce conseil-là de coup de cœur, ne plus se fier à l'avis de nos libraires en qui on a confiance, impacte réellement aussi beaucoup les ventes. Donc ça les fait forcément baisser. L'impact ne s'est pas montré aussi qu'en librairie, il s'est montré sur la chaîne du livre entièrement, puisqu'elle a aussi beaucoup été impactée de cette crise. On a pu l'observer pendant le premier confinement, du fait de l'allongement, et même après en fait le confinement, pendant les mois d'été, l'allongement du délai de livraison pour les commandes clients était passé de 3 à 6, 7 jours, voire 10 parfois. C'était vraiment devenu une attente des fois longue pour les clients, qui du coup... des fois perdait patience, parce qu'on peut vraiment le dire, ça perdait patience de temps en temps, quitte à devoir aller se réfugier sur les plateformes internet. En tout cas, le deuxième confinement quand même a permis un rythme plus fluide, puisque du coup je pense que c'était l'effet de préparation qui a fait que on pouvait s'attendre à quelque chose comme ça, puisque du coup contrairement au premier confinement, les fournisseurs n'ont pas été une seule fois à l'arrêt. Donc forcément, la chaîne du livre a pu continuer de fonctionner normalement, correctement. Et surtout, je pense que la préparation fait que maintenant, on se laisse plus avoir par ce genre de petites imprévues. En tout cas, concernant les sorties de livres, on peut dire que ça a été impacté aussi, puisque certaines ont été décalées très très très longtemps, beaucoup de fois de suite. Et pendant le premier confinement. Et certains livres n'ont d'ailleurs toujours pas de date de sortie. Donc ils en avaient une prévue et puis finalement maintenant il n'y en a plus et on ne sait plus quand est-ce qu'on va pouvoir le publier. On voit que l'impact n'a pas été qu'en librairie physiquement, puisque de toute façon la chaîne du livre avant était impactée. Donc si la chaîne du livre est impactée, les libraires sont impactés, puisque le libraire étant le dernier maillon de cette chaîne du livre. parce que le dernier maillon, c'est le client. Mais aujourd'hui, du coup, le hall du livre dit être revenu sur un rythme plutôt normal, mais il observe quand même toujours un petit peu de hausse dans ses commandes clients. Donc il y a des gens qui ont, dans ses commandes internet en tout cas, il y a des gens qui ont gardé l'habitude, peut-être aussi la peur de sortir, de se rendre en librairie dans un endroit qui est de nouveau refréquenté plutôt correctement. Et forcément, il y a des gens aussi qui peuvent être un peu peureux à cette approche-là, à devoir aller se mêler à une foule, donc qui préfèrent jouer la sécurité en commandant sur internet, mais qui restent tout de même fidèles aux petites librairies, et c'est vraiment très important. Les clients essayent en tout cas de favoriser le retour en présentiel dans les librairies, puisque de toute façon on voit que c'est quand même un lieu qui tient à cœur quand on a envie d'un bouquin. On aime bien aussi être dans l'univers de ce livre. Et puis pour faire un petit final, nous avons donc demandé à nos libraires des conseils sur des titres qu'ils avaient bien aimés et qui vous permettraient à vous de rire ou de vous évader. Ainsi, Julie nous a conseillé Les Tribulations d'Esther Parmentier, Sorcière Stagiaire, Cadavre Haché et Vampire Fâché de Maëlle Dessart. Donc c'est un roman adolescent qui parle d'une sorcière stagiaire qui va vivre des aventures loufoques avec son coéquipier vampire qui, je cite, est beau comme un dieu mais con comme un balai, et cela vous permettra de vous transporter à travers un ton humoristique omniprésent. Et Eric nous a conseillé une bande dessinée, Le Plongeon, de Séverine Vidal et de Pinel. C'est l'histoire d'une octogénaire qui fugue avec un groupe de résidents de son EHPAD. C'est vraiment une merveilleuse histoire qui tire un côté très positif sur la fin de vie et qui embaumera votre cœur pour des moments super. Je vais donc laisser la parole désormais à Maëva, du coup, qui va vous présenter aussi le point de vue d'un autre libraire de Nancy. Elle va donc vous expliquer comment lui a vécu cette période de confinement. Puis nous ferons une légère conclusion sur ses interviews. Dans un second temps, nous sommes allés interviewer la librairie Didier, donc une petite librairie emblématique nancéenne située à deux pas de la place Stanislas. Et son propriétaire, Monsieur Marc Didier, a très aimablement répondu à nos questions. Donc concernant le premier confinement, la librairie Didier a tout d'abord fermé ses portes pour une durée indéterminée, comme tous les commerces désignés comme non essentiels. Et malgré les aides promises par l'État, l'état d'esprit du propriétaire, Monsieur Didier, était proche de l'anéantissement à ce moment-là. Néanmoins, après avoir fait la une de l'Est républicain qui a permis de relancer son activité en avril dernier, Monsieur Didier a rapidement mis en place un système de click and collect qui s'est lancé dès le 15 avril. La charge de travail est devenue beaucoup plus importante encore avec les appels téléphoniques à gérer, la page Facebook de la librairie et les mails par lesquels les clients pouvaient effectuer leurs commandes. Et après la réouverture en juin, les ventes explosent et la librairie réussit même à multiplier son chiffre d'affaires par deux par rapport au mois de juin de l'année précédente, ce qui est assez remarquable. Donc on constate vraiment qu'il y a eu un retour de clients dans les librairies physiquement. Ce qu'on a pu relever également, c'est que concernant le livre sur la place, qui est une manifestation littéraire emblématique qui se déroule généralement traditionnellement en septembre à Nancy, cette manifestation n'a pas du tout répondu aux attentes des libraires cette année, et surtout à cause des mesures sanitaires restrictives imposées par les rencontres notamment. Et c'est vraiment un manque à gagner considérable qui pèse largement sur le chiffre d'affaires annuel de la librairie. Donc c'est une grosse déception, ce livre sur la place cette année, qui a marqué sur tous les portefeuilles. Le deuxième confinement, quant à lui, qui a eu lieu au mois de novembre, on a pu observer pour cette librairie un meilleur chiffre d'affaires encore que l'année précédente. Donc la librairie Didier s'est mieux préparée à ce deuxième confinement, notamment avec la mise en place d'un site internet. Beaucoup de librairies ont investi dans un site internet après le premier confinement pour celles qui n'en avaient pas, parce que c'est vraiment un bon moyen de communiquer avec les clients et ça facilite également les achats de ces derniers. Monsieur Didier constate l'arrivée d'un bon nombre de nouveaux clients et surtout des gens qui souhaitent renouer avec le commerce de centre-ville pour le sauvegarder et arrêter d'acheter sur Amazon. Les librairies ont été davantage favorisées par le public par rapport à d'autres petits commerces parce qu'on y retrouve une aura toute particulière et une ambiance vraiment familière. Donc, tout comme ses compères du hall du livre, nous avons demandé à Monsieur Marc Didier s'il avait une lecture évasive à nous conseiller. Et après avoir précisé qu'il s'évadait dans chacun des livres qu'il lisait, nous a fait part de son coup de cœur pour Le Dit du Mistral d'Olivier Mac Bouchard, qui invite à un petit voyage en France plus précisément en Provence, dans des temps anciens et au travers de légendes provençales qui invitent à la retrouvaille avec des souvenirs d'enfance. C'est un roman très sympathique et un clin d'œil à des écrivains provençaux comme Bosco et Genot. Donc nous remercions chaleureusement M. Didier d'avoir bien voulu répondre à nos questions. En conclusion de cette interview, on peut donc vraiment se rendre compte de l'état d'esprit des libraires à ce moment-là. Et aussi, on peut donc souligner le fait que le deuxième confinement a finalement été presque une aubaine, en fait, pour les libraires qui ont quand même réalisé des chiffres d'affaires supérieurs aux chiffres d'affaires de l'année d'avant. Et c'est vraiment un ressenti, du coup, qui a l'air d'être le même pour les libraires. Donc, après, ils vivent peut-être pas les choses de la même manière, étant donné que le Hall du Livre est une institution du livre qui regroupe énormément d'employés, alors que la librairie Didier ne compte que 2 employés, donc c'est peut-être pas le même ressenti de devoir gérer ça tout seul que devoir gérer ça quand même en équipe où on sait qu'on peut avoir du se reposer sur les autres aussi un petit peu. Donc je pense que le ressenti se fait quand même différemment selon le fait de comment on gère ça. Donc mais dans tous les cas ça reste quelque chose qui a été géré avec brio par les libraires et vraiment on les en remercie, on les félicite d'avoir gardé les épaules solides et de pas avoir cédé à ce sentiment d'anéantissement justement dont le libraire Didier parlait. On les remercie d'avoir gardé le cap, gardé la force pour pouvoir accueillir à nouveau et encore mieux, pouvoir encore mieux retrouver sa clientèle après, dès que les librairies ont pu réouvrir leurs portes. Voilà, en tout cas, on espère que l'interview vous permettra de prendre conscience que les librairies sont des commerces qui sont très importants et qui peuvent se fragiliser aussi très vite, donc ils ont besoin d'un soutien et d'un lectorat qui leur est fidèle. Et on espère vous faire comprendre justement l'importance de ces magasins. Voilà. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Alors moi, du coup, je vais vous présenter le roman Patricia de l'auteur Geneviève Damas. Alors Patricia, ça raconte l'histoire de deux personnages, Patricia et Jean Iritimbi, qui vont tomber amoureux au Canada. Donc en fait, ça c'est l'intrigue du roman, c'est par ça qu'on commence. Et on va avoir le droit du coup à un véritable voyage dans la France, d'où le thème qui nous fait un peu voyager pendant le confinement. Donc en fait, c'est un roman polyphonique, donc qui va faire intervenir à tour de rôle 3 personnages principaux, donc dont Patricia et Jean. Et à partir de là, donc, on commence la narration dans la période de leur vie où ils se croisent, donc Patricia et Jean Iritimbi, donc vont se croiser au Canada. Cependant, Jean, du coup, c'est un centrafricain. Il a quitté son pays natal et en fait, il trouve pas le courage d'avouer à Patricia que justement en Centrafrique, Ben, y a une famille qui l'attend, sa famille qui l'attend. Qu'il a deux filles et une femme là-bas. Et en fait, lui, il est venu travailler en France, évidemment pour essayer d'envoyer de l'argent à sa famille, de manière à ce que sa famille puisse essayer de venir le rejoindre en France. Et en fait, il tombe amoureux de Patricia au Canada. Et il est fou amoureux de cette femme et en fait, il n'arrive pas à lui avouer la vérité sur sa famille. Un jour, il est quand même... puisqu'évidemment, de toute façon, la vérité et le mensonge, ça rattrape quiconque. Un jour, il est donc rattrapé par ses mensonges et tout ça, puisque sa famille ne l'a pas prévenu, mais elle arrive par bateau. Elle est dans un bateau et quand sa famille est sur le bateau, il apprend seulement que sa famille arrive. Donc là, c'est la panique. Il sait pas quoi faire parce qu'il... Il vit son idylle depuis longtemps avec Patricia et il sait pas quoi faire. Donc il va se précipiter à Marseille sans rien dire, histoire d'aller accueillir sa famille puisque sa famille arrive. Son arrivée à Marseille, il doit affronter une horrible vérité. Le bateau qui a mené sa famille, il a fait naufrage en Italie. Voilà. Il a fait naufrage, il n'est jamais arrivé au port où il devait arriver. Il a sombré en pleine mer, donc il apprend cette chose. Et pour lui, c'est la destruction totale de tous ses espoirs et tout ça. Il est anéanti. Et en fait, il n'en a aucune certitude pour l'instant. Parce qu'en fait, le bateau a coulé. Mais il sait pas... Il y a des survivants, il paraît. Donc, il sait pas trop sur quel pied danser. Donc, il décide d'aller jusqu'en Italie. Puisque c'est là-bas qu'il y a un camp pour les réfugiés de mer. Alors du coup, il s'y rend avec l'espoir d'y retrouver sa famille. Et en fait, à son arrivée, il retrouve sa plus jeune fille, Vanessa. Et le reste de sa famille étant morte. Et entre-temps, Patricia a rejoint Jean. Et en fait, à cet accueil où il retrouve sa petite fille, Jean, il décide de confier sa fille à Vanessa, à Patricia. Et lui, il s'en va dans l'espoir d'essayer de retrouver le reste de sa famille puisqu'il ne sait pas encore qu'ils sont décédés. Et donc, en fait, dans la suite du roman, on suit le retour compliqué des deux femmes à Paris. Donc, l'adaptation pour Patricia et Vanessa d'une nouvelle vie, en fait. Parce qu'elle devient maman et qu'elle devient fille adoptive abandonnée par son père et dont elle a perdu tout le reste de sa famille, quoi. Et elle se retrouve face à une étrangère totalement, dont son père a été amoureux. Donc, elle comprend aussi la trahison qu'il a eue envers sa maman. Enfin, tout ça, ça se met en place dans l'esprit d'une adolescente, en fait. Et ça devient très compliqué. Mais c'est un roman qui permet vraiment de s'évader autour d'une soirée à thème, d'ailleurs, donc un thème qui est très actuel puisqu'il s'agit de l'immigration. Et en fait, c'est fait d'une façon très poétique parce qu'à la fin, on arrive sur la conclusion qu'il faut arriver à construire de l'amour entre une fille qui a perdu son pays, qui a perdu sa famille, qui est confiée à une inconnue, mais une inconnue qui va l'aimer, qui va apprendre à être avec elle et en fait qui va finir par l'aimer de tout son cœur, en fait. Et c'était pas pourtant son rôle de s'occuper de cette jeune fille, mais pourtant Patricia, elle va finir par prendre son rôle très à cœur, parce que le rôle de maman est une responsabilité qu'on attend presque tous, plus ou moins. Et c'est vraiment un livre au sujet très touchant, le changement de pays, l'amour maternel adoptif qui se crée malgré tout ce que le reste du monde peut en dire, en fait. Et il y a aussi le thème de l'abandon, le courage d'affronter la mort parce que c'est une thématique présente. Donc c'est vraiment une histoire qui laisse à réfléchir et dont on peut imaginer qu'une fin heureuse pour les deux femmes, parce qu'elles ont trouvé refuge en fait l'une auprès de l'autre, et c'est vraiment ce qui fait la magie de ce roman, et que je le conseille fortement pour pouvoir passer un bon moment pendant qu'on est confiné chez soi, parce que ça redonne quand même de l'espoir. Donc je répète, le titre c'est Patricia, de l'auteur Geneviève Damas. Voilà, et du coup pour la suite, je laisse la parole à Jade. Bonjour à tous et à toutes. Alors on le sait, la période est compliquée. Entre déconfinement, confinement, couvre-feu, fermeture des bars, des restaurants, des cinémas et j'en passe, on n'a qu'une seule envie, c'est d'essayer de penser à autre chose. Alors, je vous propose aujourd'hui de partir dans une autre vie. Glissez-vous dans la peau de Lou. Lou, c'est un personnage de bande dessinée imaginé par Julien Niel, qui est sorti en 2004 chez Glénat. Il a reçu deux prix jeunesse d'Angoulême en 2005 et 2010. Lou, c'est une jeune collégienne blonde vivant seule avec sa mère dans un petit appartement et qui passe ses journées à espionner son voisin d'en face, Tristan. Elle l'aimait tétanisée à l'idée de lui parler, elle commence alors à imaginer des stratagèmes pour s'approcher de lui sans se faire remarquer. Inventive et créative, Lou porte ses propres créations, des pantalons à fleurs, elle n'a pas peur du regard des autres, elle crée ses propres pièces de théâtre et adore les vieux objets. Avec sa meilleure amie Mina, elles vont évoluer et grandir à travers 9 tomes. Bien sûr, vous allez avoir des nouveaux personnages qui vont apparaître, amenant de nouvelles problématiques. Comme par exemple cette fille, Marie-Émilie, qui avec son style gothique et son franc-parler, va s'attendrir au fil des années pour s'autoriser à être qui elle est. Les amours pâtent leur plein avec des ruptures, des réconciliations, des amours inattendus, parfois des amitiés ambiguës, l'amour d'une mère, l'amour d'un frère, mais surtout une grande liberté. D'autres sujets sont aussi abordés comme la dépression, la fuite face à la paternité, l'homosexualité, la monoparentalité, la pression d'avoir un vrai boulot, la technologie et la dépendance à son téléphone. Lou se découvre, se surprend aussi. Elle ne sait parfois plus qui elle est, alors elle décide de partir dans d'autres contrées. Elle se pose des questions sur le bonheur, sur sa place dans ce monde et essaye, teste, fait de nouvelles expériences. Mais surtout, ne s'arrête pas sur un échec. La bande dessinée Lou va vous faire tomber amoureux. Et vous allez avoir un nouveau tome qui est sorti en décembre dernier, de nouveau chez Glénat, sous le pseudonyme Lou Sonata, et qui amorce une nouvelle saison de Lou en tant qu'étudiante. Vous allez avoir du coup des nouvelles problématiques, comme celle de vivre seule, de combiner sortie, amis, amour et études. Lou va vous attendrir, vous faire rire et vous faire rêver. Et dans ces temps compliqués, où l'on ne peut pas voir de nouvelles personnes, je vous laisse la rencontrer. Et maintenant, c'est moi qui vous laisse avec Jeanne, qui va conclure notre émission. Eh bien, messieurs, dames, nous espérons vous avoir fait passer un bon moment en notre compagnie, vous avoir fait découvrir des titres qui peut-être vous auront inspiré et vous donneront envie de les lire à votre tour. Et on espère aussi avoir suffisamment fait passer un message fort pour nos chères librairies qui nous sont très chères, qui nous tiennent à cœur énormément. Et on espère vraiment vous faire passer un mot de... On a espéré en tout cas vous faire passer un mot de solidarité pour elles, pour les soutenir et pour leur donner cette voix qui parfois leur manque un peu. Alors cette émission, elle était vraiment là pour ça, pour vous présenter aussi, pour vous présenter nos coups de cœur, pour vous présenter des auteurs. C'était vraiment le but. Et on espère vraiment vous avoir fait passer un bon moment et vous avoir fait découvrir des choses qui vont peut-être vous inspirer et vous donner envie par la suite. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps d'être avec nous pour cette petite heure. Et on vous salue et on vous remercie. On vous dit au revoir.